Mercredi 19h-19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Made in Fadjet. Alors, vous en connaissez le concept, découvrir ce qui se cache derrière les titres de vos émissions préférées, en découvrir les coulisses et surtout faire plus ample connaissance avec ceux et celles qui les animent. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir des sportifs. Une fois n'est pas coutume, en tout cas on va découvrir si vraiment ils le sont. Donc ça, c'est le premier petit indice. Ils s'appellent Guillaume, Marius, Nicolas et Hugo. Deuxième indice. Et pour continuer à aider nos auditeurs à découvrir de quelle émission il s'agit, vous pouvez les écouter et les retrouver tous les mardis entre 15h et 16h en direct. Et enfin, je dirais qu'il faut faire très attention à la prononciation du titre de leur émission qui peut prêter à confusion. Alors, qui lève le voile sur le titre de l'émission que l'on va découvrir ensemble aujourd'hui ? Je vais m'en charger en tant qu'animateur. Alors, du coup, c'est Marius. Le titre de l'émission, c'est « On n'a que ça à foutre ». On n'a que ça à foutre. Très attention. Donc, effectivement, faire très attention à la fin de la phrase. D'où vous est venu ce titre ? C'est un ami qui nous l'a suggéré. Oui. Alors qu'on cherchait un titre d'émission. Ouais. Donc il s'appelle Nicolas Asportes, petite dédicace pour lui. Exactement. Et on le remercie parce que vraiment ça nous a fait rire tout de suite ce titre. Mm-hmm. Donc on a sauté sur l'occasion, on lui a dit allez, on prend, on choisit ça. Exactement. Depuis on n'a pas changé. Vous n'avez pas changé, non. Vous avez fait une bande-annonce avec, il faut prêter l'oreille, mais effectivement on comprend bien que c'est foot à la fin. Donc c'est une émission à travers laquelle on parle de tennis bien sûr. C'est ça. De tennis, de rugby, mais tout sauf du foot. Tout sauf du foot. Non, alors bien sûr, on parle de foot dans votre émission. Oui, on parle constamment de foot. Malgré que ma mère il présente cette émission comme 100% sport au début, on parle que du foot, donc la Ligue 1, l'Est Nancy-Lorraine, les champions étrangers, la Ligue des champions ou l'équipe de France. On a eu un petit temps d'adaptation. Au début, on parlait un peu de rugby ou d'autres sports pour les grands événements. Et après, on s'est concentré sur le foot parce qu'il y a déjà suffisamment de choses à dire. C'est ça. D'accord. Donc justement, c'est une de mes questions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisamment de choses à dire dans une émission qui ne parle que de foot ? On a une autre émission sur Fadjet qui parle de sport, plus en général, mais vous avez décidé vraiment de parler de foot exclusivement. Alors c'est Hugo qui va s'en charger. Donc oui, non, c'est vrai que le foot est une activité très très riche, on en a toute la semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a diverses compétitions, donc c'est vrai que ça nous laisse un large éventail de choix à traiter dans notre émission. Donc comme le disait Nicolas, c'est vrai qu'on traite de l'actu nationale, donc avec la Ligue 1, la Ligue 2. Mm-hmm. On parle aussi de tout ce qui est actualité transfert et puis un peu les bruits de couloir voilà, qui agitent le monde du ballon rond en France. Et puis aussi, on essaie un peu de s'intéresser à l'international avec les grandes compétitions. Donc bientôt, en juin prochain, le championnat d'Europe. Donc ça va être l'occasion aussi de parler un peu de ce qui va se passer en France. Et on va également parler aussi des grands championnats et des fins de saison à venir cette saison. Mmh. Donc à la fois, bien sûr, le foot international, le foot national et puis aussi le foot local. Vous en parlez aussi de ce qui se passe très localement ? C'est moi qui en parle du foot local. J'ai une chronique. Bonjour, oui Guillaume, bonjour. D'habitude je le fais à la fin de l'émission, aujourd'hui pour ceux qui ont écouté je l'ai fait en milieu d'émission. Et ouais, c'est une chronique locale sur la SNL parce que moi déjà je suis supporter de la SNL. Je devrais pas le dire normalement, c'est pas très honnête, on se doit d'être impartial. Mais c'est bien aussi de dire ce qu'on aime. Oui voilà, puis moi de toute façon je suis chauvin et je l'assume, donc il n'y a pas de problème. Il en faut. Et puis je fais cette chronique surtout à la qu'ils fin. Ont besoin d'être soutenus actuellement. Oui, c'était c'est vrai, parti, on en a parlé d'ailleurs, mais là en ce moment ça patauge un petit peu, mais on espère que ça va changer bien sûr. Mais oui, bien sûr. Donc alors, qui a eu l'idée de cette émission autour du foot ? Vous êtes quatre à l'animer, mais qui a eu cette idée-là ? Ben en fait, c'est moi qui leur ai proposé au début d'année, ça fait en fait depuis donc, l'année c'est dernière. C'est Nicolas. C'est Nicolas, ouais. Mes parents, ça fait un an qu'ils me poussaient à faire de la radio parce que je veux être journaliste et du coup... Il me poussait à faire de la radio et j'ai proposé à Hugo, Guillaume et Mamar parce que je sais qu'ils sont fans de foot. Et du coup, on a monté ça en début novembre. Mm-hmm. Et alors, ouais, du coup, depuis chaque semaine, on est là tous les mardis. Donc voilà, et en gros, toi, tu as eu cette idée autour d'une émission sur le foot. Tu en as parlé à tes copains. Et, ouais. Et alors, pourquoi Fadjet ? Pourquoi Fadjet ? En fait, on est à la fac de lettres à Nancy. Et on avait un cours qui s'appelait pratique audiovisuelle. Et notre prof dans ce TD, elle nous a conseillé, en fait, elle nous a présenté Fadjet. Et du coup, on s'est tout de suite dirigé vers vous et puis vous nous avez accueillis à bras ouverts. Et... Super prof, il faut le dire. Super prof. Qui fait aujourd'hui la technique de cette émission. Donc c'est on ça. La salue, on c'est la remercie Aurélie aussi. Qui a plusieurs casquettes parce que c'est ça Fadjet aussi. C'est effectivement une radio qui permet à des jeunes comme vous qui ont un projet, une passion, et ben de pouvoir l'exprimer. Ça, c'est vraiment notre projet. Et puis, on a des salariés à Fadjet qui font aussi des choses à côté. Donc, effectivement, Aurélie, elle est prof aussi à la fac. Et donc, c'est une histoire de rencontre, en fait, hein, cette émission. Mmh. Rencontre entre vous, des copains qui se sont dit, ben, OK, on y va, qui ont eu envie d'être acteurs d'un projet commun autour de l'émission. Et puis, ben, à un moment donné, effectivement, il faut savoir à qui le proposer et où pouvoir le faire. Donc, vous êtes venu avec votre projet. Vous avez rencontré notre responsable de la programmation. C'est ça. On raconte un peu parce que ça peut donner aussi des envies à d'autres jeunes qui se disent, oui, on aimerait bien faire, mais alors, où on peut aller frapper? Venez donc frapper. Donc, on est venu avec un concept d'émission qu'on avait préparé à l'avance. Ouais. Et là, on a fait après un premier test pour voir si on était capable de le faire. C'était assez impressionnant. Mais... Un pilote. Voilà, oui, un pilote. On appelle, voilà. Donc là, vous étiez en situation d'émission. Voilà. Complètement. Ouais. Et puis nous, on a écouté un peu pour voir si ça tenait la route. Et... Parce que votre émission, elle est hebdomadaire. C'est ça. C'est ça. Toutes les semaines. D'une heure. Une heure. Et d'une heure, ouais. Et vous passez combien de temps à la préparer, à peu près? Je dirais que ça dépend de chacun. J'ai pas ciblé des gens sur la table, mais d'autres. Enfin, certains en préparent plus une que moyenne. D'autres, on va dire. On va faire une moyenne. Ah, je sais pas. Parce que, alors, en gros, ça veut dire que chacun prépare une chronique. Une chronique et aussi. Des arguments pour des les arguments débats. Des arguments pour les débats, voilà. C'est ça. Alors, pour des donner aussi, statistiques. D'accord, justement pour faire encore mieux ample connaissance avec le concept, le projet, pour donner envie à des auditeurs là, qui écoutent Made in Fadjet mais qui n'auraient peut-être pas encore écouté On a que ça à foutre. En gros, les différentes chroniques, rubriques qu'on peut y retrouver, ce sont lesquelles? Alors généralement en première partie d'émission, ça c'est traditionnel, on va revenir sur le match du week-end qui a lieu dans le championnat de France de Ligue 1. Mm-hmm. Chacun va donner un peu son avis sur le match et ensuite pour résumer le week-end, chacun donne un top et un flop, donc ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu et essaie de l'argumenter, le présenter aux autres. Mm-hmm. Ensuite généralement en deuxième partie, on parle souvent des championnats étrangers ou de la Ligue des Champions qui est vraiment la compétition phare en Europe. En troisième partie, donc, il y a notre traditionnel quiz où chacun fait valoir ses connaissances sur le football. Et on parle aussi de l'Est-Nancy-Lorraine en quatrième partie, bien sûr, l'actualité locale. Mmh. Donc en gros, l'émission est construite pratiquement toutes les semaines de cette manière-là. Oui, sauf qu'on s'adapte à l'actualité, on va dire. Mmh. Oui, forcément. En cas de grosses compétitions ou de matchs de l'équipe de France aussi, ça arrive de faire des points équipe de France d'accord. Au milieu. Donc ça vous prend du temps déjà à regarder les matchs? Oui, mais là, on arrive à se diviser, on va dire, chacun sa spécialité. Voilà, c'est ça. Que ça marche bien. Puis c'est pas un travail vraiment, vu que c'est une passion. Mm-hmm. On arrive à gérer ça assez c'est facilement. C'est du plaisir. C'est quoi, du plaisir, fait. Voilà. À la fois du plaisir à regarder, puisque c'est un sport qui vous plaît, et puis à construire cette émission aussi, parce que c'est vrai que c'est un outil original aussi, et que ça a l'air de vous plaire aussi. Oui, ça nous plaît. Mais d'ailleurs, je conseille vraiment à beaucoup de monde de rejoindre Fadjet, parce qu'au début, c'était difficile. Enfin, surtout le pilote, mais après on prend vite quand même, on est plus vite à l'aise à l'oral. Mmh. Et c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de faire la radio. Après, je pense que vous aussi, mais pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir. Alors voilà, on va faire un petit tour de table là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous apporte. Donc, vous êtes tous étudiants en communication, c'est ça, oui, c'est ça. Tous les quatre. Toi, tu dis c'est un vrai plaisir, ça permet aussi d'être plus à l'aise à l'oral. Oui. Marius, toi, tu dirais quoi par oui, rapport ça m'a permis d'être un peu moins timide et aussi apporter de l'expérience parce que c'est toujours utile si après je voudrais être journaliste. Mm-hmm. Donc, sur un CV, ça peut être très intéressant, par exemple. C'est aussi une expérience, tout à fait. C'est vraiment mettre le pied à l'étrier et après, sur un CV, faire du bénévolat, surtout dans une radio, au niveau professionnel, je crois que ça peut apporter plein de choses. Guillaume, qu'est-ce que ça t'apporte, cette émission, toi? Ça permet un peu aussi de voir l'envers du décor, parce que souvent, on est dans notre voiture, on est à la faculté, on écoute la radio, on se dit, mais comment ça se passe derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Quel travail font les gens, etc. Et quand on arrive ici, c'est vrai qu'au début, c'est un peu impressionnant. On voit les micros, on voit la régie, on voit tous ces boutons qui clignotent, on se dit, ouais, mais c'est pas possible. Et puis, surtout, c'est un vrai plaisir de venir, surtout pour parler d'un sujet qui nous passionne, parce que comme a dit Nicolas... c'est pas une corvée, vous parliez de regarder les matchs tout à l'heure, c'est pas une corvée pour nous, c'est un véritable plaisir. Et c'est pour ça qu'aussi le nom de l'émission, il est pas anodin. Parce que nous, on a que ça à foutre, c'est dans le langage vulgaire, c'est pour confondre avec on a que ça à foutre, parce qu'on a que ça à foutre de regarder les matchs, qu'on parle de ça, mais H24, parce que c'est une vraie passion. Et on en parle beaucoup en dehors de l'émission aussi, très souvent. Vraiment, vous êtes des vrais passionnés. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que même pendant les pauses musicales, on continue à débattre entre nous. Parce que pendant forcément, vous avez des avis différents. C'est ça. Et c'est ça aussi. Alors, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, vous qui voulez être futur journaliste ou travailler dans la communication, d'apprendre justement à débattre, à amener des arguments? Est-ce que la radio, ça amène ça aussi, justement, une émission comme celle-là? C'est vrai que je rejoins un peu mes camarades sur ce qui a été dit. C'est vrai que tout d'abord, ça nous apporte une certaine expérience, voilà, derrière un micro. Mais ça nous permet aussi voilà, de nous améliorer à l'oral, de ne pas chercher nos mots, vraiment avoir un discours assez fluide. Donc on a bien sûr nos petites notes à côté de nous voilà, pour ne pas être trop perdu. C'est vrai que voilà, dans l'optique de devenir journaliste, c'est vrai que c'est un vrai plus. Si jamais on a des stages ou si plus tard on est confronté au métier de tout ce qui est la radio, la télévision ou presse écrite, c'est vrai que voilà, on fait quand même un travail, je ne vais pas dire similaire, aux journalistes, mais on s'en rapproche un peu en allant chercher des informations à droite, à gauche, en essayant de bien les traduire pour que l'auditeur qui est derrière son poste puisse la comprendre. Donc c'est vrai que c'est vraiment un tout, le fait d'être à la radio. Et puis, quand on écoute un peu votre émission, c'est vraiment apporter des vrais arguments, c'est-à-dire convaincre aussi les uns et les autres, parce que vous êtes passionné et forcément, vous avez envie de montrer un petit peu que ce à quoi vous croyez, c'est réel, quoi, c'est la vérité. Donc, on sent bien ça, c'est-à-dire on sent que c'est préparé et vous faites vraiment le boulot de journaliste sportif, quoi, vraiment. On essaye de monter des débats toujours intéressants. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on est rarement d'accord. Je pense que ça s'entend à l'antenne. Exactement. Et du coup, on a chacun un avis. Chacun a son avis. Chacun défend son avis avec beaucoup d'arguments. Et donc là, après, chacun peut se faire à l'antenne, peut savoir dire je suis d'accord avec lui ou pas. Et après, des fois, on essaie de poser des questions sur Twitter, par exemple, d'inciter les gens à réagir et à nous dire ce qu'ils pensent de nos arguments. Forcément, vous laissez. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'auditeur peut se dire, se faire sa propre opinion, se dire, j'avais pas pensé à ça. Oui. Et bien sûr, vous essayez de vous convaincre les uns les autres, mais vous laissez une certaine liberté à l'auditeur aussi, puis vous apportez aussi de l'information. Même moi, qui n'y connais pas grand-chose et qui suis loin d'être une fan et une passionnée de foot, et ben, j'avoue que j'ai écouté une ou deux fois votre émission et c'est plutôt sympa et on apprend des choses et voilà. Et donc ça fait partie aussi de l'intérêt de cette émission parce que ça pourrait être vite lassant et surtout que ça revient toutes les semaines et on sent qu'il y a une vraie préparation, une vraie passion chez vous. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de cette émission. On n'a que ça à foutre. Donc là, on fait bien de la com. Je vous demanderai à la fin de l'émission de donner quelques arguments pour inviter des auditeurs qui ne seraient pas encore venus vous rencontrer sur l'antenne de Fadjet d'y venir. Donc là, préparez-vous vos arguments. Mais là, on en a déjà donné quelques-uns. Alors, il y a de la musique aussi, un peu, dans cette émission, dans votre émission. Bien sûr, pour casser un peu le rythme, pour laisser un peu le temps de souffler aussi. On passe quelques musiques pour l'émission. Et ben on va souffler aussi un petit peu. Donc, c'est toi, Marius, qui a choisi la première musique. Comme d'habitude. C'est toujours lui en premier, c'est ça ? C'est toujours ma main. Et ben alors voilà, on ne change pas. Et c'est Muse, c'est Mercy, le titre. Et pourquoi tu l'as choisi ? Parce que j'ai la chance d'aller au concert de Muse ce week-end. Et je voulais voilà, il ne parle pas que de foot uniquement, mais il parle de Muse aussi. On l'écoute. I try to change the game, I try to infiltrate, but now I'm losing. Medicals always seem to run the show. Save me from the ghosts and shadows before they eat my soul, Mercy, mercy, show me mercy. t'as rien à foutre le mardi de 15 à 16, t'es en cours, au bureau, dans ta voiture ou simplement chez toi, dans ton canapé, en train de t'empiffrer de chips, alors allume ta radio. Et retrouve toute l'actu du foot et bien plus dans On Accès à Foot. Ligue 1, Ligue des Champions, championnat étranger, mais aussi l'actu locale. C'est On Accès à Foot, tous les mardis de 15h à 16h sur Fadjet. Made in Fadjet. Eh bien, on retrouve On Accès à Foot dans Made in Fadjet. Voilà, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bien dans l'émission Made in Fadjet. On retrouve Guillaume, que vous venez d'entendre dans cette fabuleuse bande-annonce de l'émission. Marius, Nicolas et Hugo, on l'a bien compris, des amis avant tout, je crois, oui. Des passionnés de foot. Alors Nicolas, il dit oui, un vrai oui, de France, un vrai copain. Ouais, vrais amis. Des passionnés de foot et qui ont monté un projet très sympa, donc une émission sur l'antenne de Fadjet que vous pouvez retrouver tous les mardis entre 15h et 16h. Alors tout à l'heure, hors antenne, un parmi vous disait « quand on est passionné, on est forcément de mauvaise foi ». Absolument. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Alors, oui. Alors ça veut dire quoi, précisément? Vous êtes de mauvaise foi dans l'émission? Oui, ça arrive. Très souvent. Parfois, parce qu'on a tous... les goûts et les couleurs sont différents en fonction de la personne. Par exemple, il y en a qui aiment plus le championnat anglais, il y en a qui aiment plus le championnat espagnol, il y en a qui n'aiment pas des équipes, il y en a qui n'aiment pas des joueurs. Suivez mon regard, bon, vous ne le voyez pas là, mais je regarde Hugo. Voilà, mais... on ne dira rien. Et donc du coup, bah, dès que ce joueur ou cette équipe fait n'importe quoi, on n'hésite pas à le tailler en pièces parce qu'on n'apprécie pas forcément cette équipe. Ou alors, on trouve des excuses quand cette équipe gagne. On dit « Ah, oh, mais ils ont triché ». N'importe quel fan de foot, encore une fois, je me répète, fait preuve de mauvaise foi, n'importe quel supporter. Mais c'est celui valable. Qui dit le contraire est un menteur. C'est valable quand on est passionné, effectivement. Absolument. Hein, forcément. Alors, on va faire un petit tour de table. Quelles sont vos équipes préférées, justement? Et on s'adresse aux passionnés de foot, là, justement, qui nous écoutent. On va voir s'ils partagent votre avis. Moi, depuis que je suis né, mais depuis mes 4 ans, c'est le Paris Saint-Germain que je supporte. Mm-hmm. Mon premier maillot, je l'avais eu à 5 ans. Ouais. Mais ça m'est venu, je ne sais même pas vraiment pourquoi, parce que mon père n'était pas fan du PSG. Je l'ai transformé un peu maintenant, mais... D'accord. Sinon, c'est le PSG. J'aime bien Liverpool aussi en Angleterre. Tu viens d'où, toi? Tu es nancéen? J'habite à une heure, je viens de Haute-Marne, à Saint-Dizier. À Saint-Dizier, d'accord. Et comme j'ai de la famille en plus qui habite à Paris, du coup, peut-être que. Ah, peut-être aussi. Ça a joué un peu. Forcément, tu as été et tu vas voir régulièrement des matchs du PSG? Oui, bah tiens, j'y vais dans 2 semaines voir 3 Paris Saint-Germain, faire le déplacement à 3 vu que c'est à côté de chez moi. D'ailleurs, j'espère qu'on va fêter le titre de champion de France là-haut. Et sinon, cette saison, j'y ai déjà été 2 fois. Je crois qu'ils ont perdu hein, la semaine dernière, moi qui n'y connais rien. Il c'est ça, hein, dimanche, oui. Première défaite de la saison. De trapper un mauvais souvenir. oui, Marius, alors toi, c'est quelle équipe? Mon équipe préférée, c'est le FC Barcelone, depuis que je toujours. Ne connais pas du tout. Principalement pour leur style de jeu, qui est toujours offensif, avec un redoublement de passes. Mm-hmm. C'est le football que j'aime. D'accord. Barça. Quel menteur. Là, c'est Guillaume, c'est l'ASNL. C'est notre chauvin autour oui, de la table. Oui, alors moi, supporter de l'ASNL depuis... presque 14 ans, parce que le premier match que j'ai été voir, c'était avec mon père, c'était un match de Ligue 2 Nancy-Istres en 2002, si je ne me trompe pas. Nancy a gagné d'ailleurs 3, hein, je m'en souviens bien. Et depuis, c'est grâce à mon père hein, qui m'a un peu transformé. Puis moi, là-bas, je suis né ici à Nancy, donc je supporte l'équipe où je suis né, l'équipe de ma région d'origine. Dans ses réussites et donc, dans ses défaites. Voilà, quoi, c'est surtout ça. Dans ses défaites. Ouais, parce ça, que c'est bien. C'est les vrais supporters. Voilà, ça. Exactement. Hein, pas comme d'autres. Et voilà, ça, c'est de la mauvaise foi, vous voyez. Ça, c'est l'humour. C'est l'humour avec Guillaume. Et puis, il y a aussi en Angleterre, Arsenal, parce que moi, j'étais fan de Thierry Henry, qui était un illustre joueur de cette équipe. Et donc, du coup, malgré qu'il soit parti et qu'il ait pris sa retraite, j'ai continué à supporter cette équipe aussi en Angleterre. Et maintenant, t'as Giroud. Ça, c'est une belle présentation parce qu'on voit aussi que c'est lié, quand on est passionné de quelque chose, c'est lié à une histoire. Là, on entend voit bien, l'influence. C'est, oui. Voilà, c'est mon papa qui m'a emmené voir mon premier match et du coup, ça m'a marqué. Et c'est aussi premier pour match ça. Qui m'a acheté mon premier maillot, mon premier écharpe. Et voilà. Et c'est pour cette équipe que j'ai versé mes premières larmes aussi. Et voilà. Bah oui, et bah, c'est de l'émotion tout ça et ça fait partie du sport aussi. Hugo. Et moi maintenant, et bah, en bon normand que je suis, je supporte le Stade Malherbe Caen. Ouais. Donc pareil, moi je suis originaire de Normandie, je suis né à 40 km au sud de Caen, donc c'est vraiment mon équipe de cœur, celle voilà, à qui je pardonne mais aussi à qui je célèbre toutes les victoires le plus possible. Voilà, on parlait de souvenirs de football, bah, moi mon premier match c'était à l'âge de 8 ans, en 2002-2003 la saison, et je suis allé voir un Caen Amiens pour les 90 ans du club, donc c'est vraiment mon club de cœur. Et comme on dit en Normandie, j'ai vraiment le sang bleu et rouge, comme la couleur du maillot du Stade Malherbe Caen. Et on voit bien que ben forcément, vous soutenez des équipes différentes. Donc, c'est ce qui fait aussi le contenu de cette émission. On en parlait tout à l'heure. Donc, vous avez des avis différents. Vous êtes vraiment passionnés. Et on voit bien que c'est vraiment chacun avec son cœur. C'est réellement des vraies passions. Donc, les débats doivent être passionnés aussi pendant cette émission. Alors, il y a un grand rendez-vous qui s'annonce là, au mois de juin. L'euro. Oui. C'est l'euro. Donc là aussi. En France en plus. Voilà, vous commencez à y rêver, j'imagine, et à commencer à préparer vos émissions du mois de juin, peut-être. Non ? Préparer. Encore, mais bon, plutôt préparer la liste de l'équipe de France déjà qui va bientôt tomber. Ouais. Ça, c'est important. D'accord. Donc là, vous allez forcément soutenir l'équipe de France. Oui, bien sûr. En bon français qu'on est, forcément. Forcément, oui. On va pas aller supporter l'Albanie, la Roumanie, même si c'est des équipes qu'on aime bien, mais. Voilà, non, on est français avant tout et c'est vrai que ça va être un grand événement à partir du 10 juin. Mm-hmm. Pendant un mois, la France va être en fête. On va avoir du football partout en France, donc mm-hmm. que ce soit à Paris, Marseille, Lyon. D'ailleurs, Marius qui a la chance d'avoir des places pour aller à Lyon, à Saint-Etienne. J'aurai la chance de regarder quelques matchs, donc pouvoir voir en direct. Carrément sur place, donc là tu pourras aussi amener des arguments que tu auras vraiment vécu. Oui, hein, voilà, un mot sur l'ambiance aussi par exemple. Et sur c'est l'ambiance, sur... parce que effectivement, quand vous préparez l'émission, alors vous êtes plutôt, vous la préparez devant un poste de télé, c'est-à-dire vous regardez les matchs à la télé ou vous les écoutez à la radio, parce que certains préfèrent la télé, d'autres la radio, est-ce que c'est un mix des deux ? Moi souvent je regarde le match et des fois je regarde par exemple les résumés aussi pour m'aider, mm-hmm. mais c'est souvent pas dès le match, c'est souvent avec la rediffusion que je remets, que je note des choses, par exemple pour le top et flop notamment. Mm-hmm. Que je retiens les bonnes choses, tout ça. Donc là aussi, vous avez des journalistes qui vous ont marqué, des journalistes sportifs, des commentateurs de foot qui... Forcément, il y a eu... bon, maintenant, ils sont décédés, mais Thierry Roland, bien sûr, le célèbre Thierry Roland, mm-hmm. avec sa voix et ses envolées lyriques, parfois... Mm-hmm. Inimitable. Thierry Roland, passionné. Vraiment très passionné. Voilà, Thierry Girardi, qui aussi, nous a quittés un peu tôt. Mm-hmm. Puis maintenant, on regarde tous les émissions spécialisées, que ce soit le Canal Football Club sur Canal+, Téléfoot, Stade 2, où voilà, on traite un peu de l'actualité du foot. C'est vrai qu'il y a des journalistes voilà, auxquels on s'attache et où parfois on peut aussi s'en inspirer. C'est un vrai métier, hein, journaliste sportif et commentateur. Oui. Voilà, donc là aussi, l'équipe, bien sûr. Nos confrères de l'équipe que l'on écoute à la télé ou que l'on peut lire aussi dans la version numérique. Mais dans les journaux. Je pense que tu as raison de dire comme ça parce que vous faites un vrai boulot et vous pouvez vraiment écouter les auditeurs qui écoutent Made in Fadjet, allez écouter à 15h le mardi On Accès à Foot parce que c'est des vrais arguments et ils font un vrai boulot et on sent bien que c'est préparé, c'est regardé, c'est argumenté, donc si vous avez envie de découvrir des équipes peut-être que vous ne connaissez pas, d'apprendre des choses et puis aussi de participer derrière votre poste au débat parce que c'est possible aussi, hein, chez vous avec des copains, d'écouter l'émission et puis d'en débattre aussi, ça fait partie aussi de l'essence de cette émission-là et des émissions sur Fadjet. Alors, il y a un quiz, je crois, dans votre émission, très régulièrement. Oui. Alors, on teste nos animateurs. Et aussi, les gens ils peuvent aussi répondre chez eux. Exactement. Pour tester leurs connaissances. Faites participer aussi l'auditeur. Alors, voilà. On y retrouve quel style de questions ? Ça peut aller de la Ligue 1 au championnat étranger, à l'Europe, la Coupe du Monde aussi. Mm-hmm. On fait un peu des questions sur tout. Mm-hmm. On essaye tout de même de ne pas remonter trop loin. Parce que nos connaissances ne vont pas non plus jusqu'en les années 50 du football. Mm-hmm. Du coup, c'est. Mais c'est pas forcément récent. Sur l'actualité récente. Ça peut être assez historique, mm-hmm. des records ou l'actualité. D'accord. Donc on peut même tester ses connaissances. Voilà. Donc c'est vraiment un tout. C'est ça. Et c'est on a que ça à foot. Voilà, exactement. Alors il est l'heure de retrouver la deuxième musique de cette émission. C'est Guillaume qui l'a choisi. Alors il va nous expliquer pourquoi ce choix. Bah, parce qu'en fait, la chanson, c'est Jimmy Somerville, You Make Me Feel. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, parce que, vous savez, pendant les vacances d'été, je me levais chaque matin et ma mère, qui aime beaucoup ce chanteur, écoutait cette musique, c'est toujours la première musique qu'elle écoutait le matin. Et à force d'écouter, j'ai fini par l'aimer aussi. Donc, voilà, c'est vraiment une histoire de famille, hein, Guillaume. Son papa qui l'a emmené au stade absolument. Et sa maman qui l'a aidé à découvrir Jimmy Somerville. Ma maman que j'embrasse. C'est voilà, parti, c'est pour on l'écoute. You make me feel my Made in Fadjet. Dernière ligne droite en compagnie de mes invités Guillaume, Marius, Nicolas et Hugo qui étaient dans nos studios pour nous parler de leur émission On a que ça à foutre que vous pouvez retrouver tous les mardis entre 15h et 16h, des vrais jeunes passionnés et passionnants. Donc voilà, on vous invite vraiment à les retrouver, les rejoindre avec de l'info, de l'actu, de l'humour. Et je voudrais quand même que ce soit eux qui est le dernier mot de cette émission, en nous disant justement un mot qui pourrait séduire nos auditeurs qui ne seraient pas encore allés vous écouter. Pour moi, le mot qui résume, c'est débat. Des débats, des débats et des débats. Voilà. Des débats. Nicolas. Moi, c'est la passion. Parce que je pense que pour faire de la radio, on est obligé d'être passionné quand même un minimum, et pour moi, c'est la passion. La passion. AS Nancy Lorraine, parce que je suis le seul de l'émission qui en parle, et pour tous les fans de la SNL, venez, vous ne serez pas déçus. En plus, je taille Metz. Mais c'est aussi, du coup, c'est aussi la passion. Ça rejoint la passion. C'est un vrai passionné. Et moi, pour conclure, je dirais la bonne humeur. Voilà, malgré les débats enflammés, les prises de bec, et ben, on fait une émission quand même dans la bonne humeur et on prend plaisir à le faire. Donc, et ben, en tout cas, merci à vous pour ce Made in Fadjet. Merci pour cette belle émission parce que ça peut donner aussi l'envie à plein d'autres jeunes de se dire c'est possible de partager ma passion à la radio. On se retrouve très vite pour un nouveau Made in Fadjet. Merci à Aurélie qui a réalisé cette émission. 19h, 19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet.